C'est ma mère qui a choisi mon mari. C'était le fils d'un notaire. La nuit de mes noces, il est venu dans mon lit. Non, non, non, on n'a pas le droit. On ne fait pas des choses comme ça. Il m'a mordu l'épaule et puis le cou. Jeté les dredons par terre. Et dans son élan, m'a presque cassé le genou. Non, non, non, on n'a pas le droit. On ne fait pas des choses comme ça. Je sentais venir mon dernier soupir et j'ai appelé ma mère. Viens vite maman, je crois que je vais mourir. Non, non, non, on n'a pas le droit. On ne fait pas des choses comme ça. Elle est venue et m'a dit, sois mignonne, remets-toi de ta colère. Car ces choses-là n'ont jamais tué personne. Non, non, non, on n'a pas le droit. On ne fait pas des choses comme ça. Moi, si j'étais morte de ça, mon cœur, je ne serais pas ta mère. Et si tu en meurs, on te fera tous les honneurs.